Parce qu'il y a du monde qui ont la tête ailleurs, puis qui réfléchissent, puis qui ne sont pas dans ce qu'ils font. C'est ça, là. Est-ce que c'est si compliqué à voir? Parce que ce n'est pas une question de comprendre intellectuellement, c'est de voir. Soit c'est vu, soit c'est pas vu. C'est de ça dont je parle.